What? Domino Joe, yo, il y va au show. D'une Chevrolet Dart 1987 qui est victime d'un hold-up au départ. Coup de réglette, lunette, passe les chips, passe mon lourd manette. Yo, coup de kaléidoscope au visage. Passe la tondeuse sur le tapis d'un deuxième étage. Fuck le rap, j'suis out comme George Larac. Fuck, j'suis black, fuck, j'suis blanc comme Gregory Charles. Maudite douche, vote Obama ou ben Hillary Clark. Fuck ce shit, je lis seulement du Daniel Steel. Hot dog, steamé, belle pro ou Valentine. À la claire, ensemble, c'est conçu par Briantine. Yo, confession par la bombe, subvention par la bande. Smoke la bombe avec un ouzbek à Samarkand. Si tu demandes, t'as les clés de la piole à Samarkand. Pour fuck around à Saint-Martin, on coach ça vous tente. Ça vous rentre, danseuse du vent en vous tente. 340 livres de hanche, si ça vous branche. Je reçois la bête de mon blueberry. Cherry pose, faut j'en souffre un autre, c'est pas de ma faute. Mixable whisky avec un peu de sirop d'érable. On n'est pas les stools, boss, pas du rap. T'aspires, tu sais un peu, pis t'écris des pages. Mais t'as pas fini la vaisselle, t'as pas sorti les sacs. Stupor. Si tu croises un homme armé, stupor. Si c'est toi qui a tiré tout pas, stupor. T'as copié sur ma famille, j'suis pourri, stupor. Si t'es fourré, bouge pas le fils de la vie, stupor. Y'a de la bonne cette up dans mon bistrot de bouche. J'attire les bonnes pis les scottes avec mon cuistot loche. Qui va pas préparer des pâtes, il va effarer l'espace mobile. Puis décaper la barre mobile pour réparer des rap horribles. J'niaise pas, y'a 16 gars qui viennent toutes de 5 grottes. Fâchez-vous avec des guns à eau. Depuis le kit de survie, du bug de l'an 2000 campé dans le bungalow. Au bateau, tu te réveilles attaché sur un pédalo. Au milieu de la rivière Saint-Charles, fais partie des secours de la civière. 15 balles imaginaires instables. Pousse la sagouine, vas-y couche-moi la cabine. Fouille toute ma narine, jamais snuff de paraffine. Bouffe la tagine, bon les bouffes de magazine. Pour touche la babine, d'une douce ben alcaline. Écoute, coûte que coûte, tu peux pas boycott. Ça finit coûte que coûte, le couteau tapas prod. Stupor. Si tu croises un homme armé, stupor. Si c'est toi qui a tiré tout pas, stupor. T'as copié sur ma famille, j'suis pourri, stupor. Si t'es fourré, bouge pas le fils de l'édit. Stupor. Si tu croises un homme armé, stupor. Si c'est toi qui a tiré tout pas, stupor. T'as copié sur ma famille, j'suis pourri. Fais gaffe à ce que tu dis parce qu'à notre prochaine partie de balle molle. J'peux m'organiser pour que t'arrive une esti bad luck. Playing games with me, tu vas terminer sur balle. Tu caves une monopoly, moi j'suis sa place. Back à Montréal en train de tape. Y'a plein de chats, c'est le crack qui font les 5.4. C'est race mat, mais c'est non merci. Si tu formes avec nous sous consentement royal, j'espère que t'es un bon MC. Tu veux du sang permis, j'te lave du milieu de jet. So what's it gonna be les pesticides? Ou ben la belle biologie si tu testes, kid. Ramène la bonne typologie sur le ring. Sinon me donner la vie, puis t'appeler Justine. C'est juste ultime quand j'fais mon remue-ménage. Love de Mr. Green, c'est l'odeur que tu dégages. Supreme, gasoline, gasoline, gasoline, gasoline. Stupor. Si tu croises un homme armé, stupor. Si c'est toi qui a tiré tout pas, stupor. T'as copié sur ma famille, j'suis pourri, stupor. Si t'es fourré, bouge pas le fils de l'édit, stupor. Si tu croises un homme armé, stupor. Si c'est toi qui a tiré tout pas, stupor. T'as copié sur ma famille, j'suis pourri, stupor. Fais gaffe à ce que tu dis parce qu'à notre prochaine partie de partie de peux m'organiser pour que t'arrives une esti bad luck, bad luck, bad luck, bad luck.